Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Dans la forêt lointaine, le Moyen-Âge nous fait coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou, coucou. La forêt est merveilleuse, mais dans le sens médiéval du terme, elle provoque le vif étonnement par son caractère étrange qui tient parfois du prodige ou de la magie. Elle est merveilleuse, car par sa beauté, sa grandeur, sa perfection, elle suscite l'étonnement et l'admiration. Elle est merveilleuse, oui, mais que connaissaient nos ancêtres du Moyen-Âge de leur forêt et que connaissent les historiens, les historiennes d'aujourd'hui de la forêt médiévale ? André Corvol, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que nos ancêtres du Moyen-Âge connaissaient bien leur forêt ou alors est-elle encore un lieu extrêmement mystérieux ? Nous parlons de la forêt, il y a peut-être des forêts. Il y a des forêts. En tous les cas, c'est une forêt très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, car la part des landes y est extrêmement importante. Les montagnes sont dénudées, la grande forêt du sud-ouest n'existe pas. C'est une forêt qu'ils connaissent bien, parce qu'ils l'exploitent. Ils l'exploitent pour en tirer des parcelles mises en culture, ils l'exploitent pour obtenir des cueillettes à partir des arbres. Ils l'exploitent également pour obtenir du gibier, puisque pendant une grande partie du Moyen-Âge, le droit de chasse est beaucoup plus répandu qu'on ne le croirait. Donc c'est une forêt qui, à tous égards, est une forêt avant tout nourricière. Et par conséquent, à l'époque, sa fonction principale n'est pas de produire du gros bois, qui est la fonction principale d'aujourd'hui. La fonction principale au Moyen-Âge, c'est de contribuer à la nourriture des hommes et des bêtes, en particulier donc des troupeaux qui ont le droit de rentrer en forêt, car la part des prairies et des prés est très faible et par conséquent on ne peut pas nourrir les moutons, les porcs et les bovins si on ne les introduit pas en forêt. Donc ça fait partie des concessions que le seigneur accorde aux habitants. En échange de ces concessions, les habitants ont l'usage de la forêt, c'est donc une sorte de copropriété, et ces concessions, que l'on appelle des chartes d'usage, sont régulièrement revisitées. Lorsque la population devient trop abondante, le seigneur renégocie à la baisse pour pouvoir préserver la forêt. Inversement, lorsqu'à la suite de catastrophes, les épidémies, les guerres, et Dieu sait que le XIVe siècle n'en a pas manqué, eh bien le Seigneur devient particulièrement généreux pour attirer une nouvelle main-d'œuvre qui permettra de mettre en valeur son domaine. À vous écouter, je comprends qu'au moment d'aller se promener dans les bois, il y a de grandes chances que nous rencontrions quelqu'un. Absolument, c'est donc une forêt qui est très habitée, habitée de façon permanente, par ceux qui ont des ateliers de transformation du bois, fabriquer par exemple des sabots, fabriquer des outils agricoles, mais également ceux qui sont de façon tout à fait temporaire, parce qu'ils transforment le bois en charbon de bois. Cela allège donc le produit en le déshydratant et vous avez des files de mulets chargés de ces charbons qui permettent d'approvisionner les villes et les usines de l'époque, c'est-à-dire les ateliers qui consomment ce charbon parce que c'est à l'époque le bois, c'est en gros le pétrole et le charbon d'aujourd'hui. Sans bois, point de salut. Donc toute hausse de bois, c'est le risque de l'émeute. Toute interruption dans l'approvisionnement du bois, c'est le pillage des maisons pour récupérer tous les bois disponibles dans les maisons. Car les révoltes ne sont pas liées seulement à la hausse du prix du blé. Vous ne faites pas de pain si vous ne pouvez pas cuire la pâte. Donc obtenir du bois, soit directement par le biais des usages, soit en l'achetant au marché, et Dieu sait que dans les villes, il y a des noms comme le Martrois, etc., qui rappellent l'endroit où était installé le marché du bois. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça a marqué nos villes. Et je dirais, les grands entrepôts de bois qui existaient autrefois, qui étaient quand même à l'extérieur des villes pour éviter qu'en prenant feu, ils mettent le feu à l'ensemble de la ville, eh bien, c'est aujourd'hui occupé par nos entrepôts d'hydrocarbures. Il y a donc une sorte de continuité énergétique qui est apparue avec une substitution d'énergie qui se fait au cours du 19e siècle, mais qui montre bien l'importance du bois pour ces civilisations d'autrefois, bois en tant qu'énergie et bois en tant que construction. Mais je répète, ce n'est pas la fonction première au Moyen-Âge. La fonction première de la forêt, c'est de nourrir les hommes et les bêtes. Dans cette histoire de la forêt, il est autant de forêts, je pense, que de lieux en France, parce que toutes les forêts ne sont pas les mêmes, nous le savons bien, ne serait-ce que par les conditions climatiques. Charles Viau, bonjour. Bonjour. Vous avez étudié, vous, la forêt de Talmont. Où nous trouvons-nous ? Alors, nous nous trouvons à Talmont, dans ce qui est aujourd'hui le département de la Vendée, et qui est alors le Poitou maritime, ce qui devient plus tard le Bas-Poitou. Et la forêt de Talmont, sa caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, elle n'existe plus, ou quasiment pas, en fait. C'est une forêt purement historique, une forêt du passé, étant donné qu'aujourd'hui, cette région est surtout occupée par ce type de paysage qu'on connaît traditionnellement sous le nom de bocage. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais du champ clôturé par de la haie, bien que le remembrement soit passé par là, le grand remembrement du XXe siècle. Donc c'est une forêt, en fait, disparue, si l'on peut dire, sauf quelques bois côtiers tout de même, qui subsistent, quelques boisements. Et c'est une forêt que l'on rencontre surtout à travers justement les documents historiques, médiévaux, modernes, un petit peu. Voilà. Et dans cette forêt, vous retrouvez en fait le panorama que nous a dressé André Corvol d'une forêt extrêmement occupée où quand nous nous promenons, mais je ne sais pas si les gens se promenaient, je ne pense pas, il y avait beaucoup de gens surtout qui s'activaient. Alors je ne sais pas s'ils se promenaient, mais effectivement l'activité elle est évidente à travers les documents de toutes sortes en fait. Charbonnage, bien entendu, dont on a des témoignages écrits au XVe siècle. Exploitation du bois pour la construction, bien qu'on ne connaisse pas les essences précises, étant donné qu'elles ne sont pas précisées, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire dans les documents de la pratique, et chasse. Alors la chasse, on s'en est rendu compte extrêmement vite, étant donné que la forêt de Talmont s'est invitée en quelque sorte dans un programme qui est archéologique à l'origine, qui porte sur le château de Talmont, la résidence des seigneurs de Talmont. Or, les fouilles ont livré de grandes quantités d'ossements d'animaux sauvages, cervidés, sangliers, petits gibiers, de toutes sortes en fait. Ce qui fait que la forêt, on a dû la prendre en compte, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une archive qu'a trouvée Laurence Millet, qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Une archive, justement, de ces animaux sauvages qui peuplent la forêt. Attention, soyez prêts, le chant d'amour du lapin de Garenne. Des dizaines d'années se sont passées et jamais je n'avais eu une occasion de faire la connaissance du langage du lapin de Garenne. Au début de 1950, l'année passée, une chance inespérée se présentait à moi et je pouvais enregistrer le chant d'amour du lapin de Garenne. J'ai pu observer que le lapin, âgé de plus d'un an, a une voix profonde comparativement à celle des bleuchenes, c'est-à-dire ceux âgés de 7 mois environ. Je veux vous faire entendre les deux. Ça, c'était le vieux. Et voici le jeune. Voilà, le plaisir d'entendre le chant d'amour du lapin de Garenne, je et Vienne, jeune, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est Ludwig Koch, preneur de son de la radio-télévision française en 1951, qui nous faisait écouter ce son parce que ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est la connaissance qu'avaient nos ancêtres de la forêt. Et pour parler de la connaissance de la forêt, vous nous disiez, Charles Viau, qu'il y avait encore des hésitations sur les essences que l'on pouvait trouver dans la forêt de Talmont, mais rien de tel que de se tourner vers quelqu'un qui connaît ses essences. Alice Laforêt, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur les herbiers, vous êtes archiviste paléographe, conservatrice à la bibliothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. En vous appelant la forêt, ça n'a pas été trop dur, on ne vous a pas trop enquiquiné? Ah bah c'est un sujet qui a des racines profondes. oui, bah écoutez, je l'ai peut-être un peu cherché. Mais... c'est un magnifique nom. Et justement, en travaillant sur les herbiers, que nous apportent ces herbiers sur la connaissance des forêts du Moyen-Âge? Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que donc ce qu'on appelle herbier au Moyen Âge, c'est pas forcément ce qu'on va entendre par herbier aujourd'hui. Enfin, on a à l'esprit un herbier de plantes sèches. Alors, il y en avait peut-être au Moyen Âge, mais on n'en a pas conservé. Les plus anciens herbiers secs qu'on conserve datent du XVIe siècle. Et ces herbiers, donc, ce sont des ouvrages qui peuvent être illustrés ou non, qui peuvent être manuscrits, puis qui peuvent être imprimés à la fin du XVe siècle, et qui ont pour objectif de dresser une liste de plantes, une liste d'espèces avec leurs noms, leurs propriétés, qui soit la plus exhaustive possible. Donc dans un sens un peu restreint, on comprend vraiment les herbiers de matière médicale, donc les herbiers médicinaux qui dressent les propriétés médicales des plantes. Mais dans un sens un peu plus large, on peut qualifier d'herbier aussi d'autres types de textes qui sont par exemple les textes encyclopédiques qui vont consacrer des livres entiers sur les plantes, où là encore on va retrouver ce schéma où on dresse des listes de plantes. L'ambition est de couvrir l'entièreté du monde végétal, de décrire l'ensemble de la création en fait à travers ces listes, ces énumérations de plantes. Et donc, effectivement, là, on entre dans le règne des espèces. Mais les espèces qui sont décrites, les espèces végétales qui sont décrites dans ces herbiers, dans ces encyclopédies, ce sont pas forcément les espèces de la forêt réelle, puisque alors, on a des plantes qui ne poussent pas du tout dans l'Occident médiéval, mais qui sont connues des compilateurs puisqu'ils compilent des sources antiques. Donc on est très loin là de la forêt de Talmont. Enfin, on va retrouver la noix de muscade, le palmier, etc. Au même titre que le frêne, le chêne, et on a également des espèces merveilleuses hein, qui côtoient, donc qui n'existent pas, mais qui côtoient des arbres bien réels. Par exemple. Par exemple, l'arbre du paradis, enfin l'arbre de la connaissance du bien et du mal existe, enfin est décrit au même titre que des arbres communs dans certaines encyclopédies. Et même dans certains herbiers. Et on a parfois, dans certaines encyclopédies, on retrouve des arbres tels que le Peredixion, qui est un arbre tout à fait fictif, qu'on va aussi retrouver dans des bestiaires moralisés, puisqu'il abrite les colombes, qu'il va protéger contre le dragon. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est pratique, c'est en tout cas. C'est pratique. Mais ces herbiers tels qu'ils sont produits reflètent une connaissance de la population où, au-delà de ces arbres complètement imaginaires, eh bien, sont une lecture venue du haut d'une élite intellectuelle, souvent religieuse, avec des noms compliqués en latin. Est-ce qu'il y a quand même un écho fait au sens pratique de la connaissance ? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement, ce sont des herbiers qui sont produits par des lettrés et par des clercs. Mais néanmoins, donc là, on peut distinguer aussi les encyclopédies où on va trouver des chapitres sur les plantes qui prennent vraiment la forme d'herbiers, les herbiers médicaux, médicinaux, qui ont quand même une vocation pratique. Le savoir sur les plantes, il se justifie aussi par sa vocation pratique. Pour autant, ces herbiers n'étaient pas forcément utilisés pour une pratique réelle, concrète. Voilà, donc le médecin ne se promenait pas forcément avec son herbier sous le bras. C'est des manuscrits parfois très richement enluminés d'apparat, quoi. Mais on a aussi des herbiers plus pratiques qui peuvent témoigner d'une connaissance concrète. Et même si ce qui importe, c'est plutôt de transmettre un savoir qui est issu des sources antiques, des autorités classiques, on peut parfois lire en filigrane une connaissance plus concrète, plus pratique que pouvaient avoir les compilateurs de plantes plus communes. Des connaissances venues de l'Antiquité. La verveine. Elle pousse partout dans les zones planes et humides. Pour les ulcères et les parodytites, la racine de verveine attachée autour du cou est extrêmement efficace. Pour les ganglions et les parodytites, la verveine broyée en application guérit merveilleusement. Pour ceux qui ont des veines indurées et qui n'assimilent pas les aliments, le jus de verveine est donné en boisson, mais après cuisson, puis mélangé avec du vin, du miel et de l'eau. La guérison est immédiate. Pour les douleurs hépatiques, 5 cuillerées de verveine cueillies au solstice et réduites en poudre seront données à une personne robuste, dans 3 siates du meilleur vin possible. Prise en boisson, la verveine est tenue pour remarquablement efficace. On en donnera aux autres selon leurs forces respectives. Pour le mal de tête, une couronne de verveine posée sur la tête supprime la douleur. Une couronne de verveine sur la tête pour supprimer la douleur et puis pour être beaucoup plus jolie d'un seul coup. C'est un extrait de l'Herbier du pseudo Apulée. Donc nous nous trouvons au 4e siècle. C'est une traduction de Mylène Pradel-Bakker. Ici, connaissance de l'Antiquité. Quand Alice Laforêt nous disait que ces herbiers étaient difficiles à porter, c'est pas quelque chose qu'on a dans la poche et dans la forêt on ouvre en disant quelle est cette essence. André Corsol, vous avez fait non. Non, les herbiers que l'on pourrait transporter, il faut attendre le début de l'imprimerie, c'est-à-dire le XVIe siècle pour trouver cela. Je crois qu'il faut bien distinguer concernant cette connaissance des plantes, la connaissance savante qui intègre le savoir issu de l'Antiquité tant gréco-romaine que à partir du XVe siècle venu du monde arabe. Il faut bien distinguer ce type de savoir du savoir pratique qu'ont les habitants par l'observation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Là, à écouter le texte sur la verveine, incontestablement, c'est une panacée. Tous les habitants, tous les villageois cherchent un médicament qui guérirait de tout. Et d'ailleurs, c'est la structure même des contes où le jeune héros part en forêt chercher la plante de vie qu'il ramènera après toute une série d'épreuves pour pouvoir sauver son père ou sa mère. Donc il accepte des épreuves initiatiques dans le fond du fond de la forêt la plus sombre et la plus dangereuse pour pouvoir ramener la plante de vie. Mais dans la vie réelle, il faut bien distinguer la vie réelle et la vie imaginaire. Dans la vie réelle, toutes les ménagères de l'époque, tous les hommes aussi, mais enfin toutes les ménagères, connaissent certaines plantes qui ont des effets recherchés. Par exemple, faire une infusion de feuilles de bouleau, eh bien, si l'enfant est constipé, ça permet de soulager ses intestins. De même, les bourgeons de pin, pour la personne qui tousse énormément, cela va calmer l'infection pulmonaire. Donc il y a cette observation concrète qui fait que, au fond, les arbres, ce sont des arbres pharmaciens, ce sont des arbres médecine. On sait dans les arbres quelles sont les parties qui sont à utiliser, les feuilles, l'écorce, les fleurs, les inflorescences, les racines. On sait à quel moment il faut les appliquer. Et puis, il y a des femmes qui, de génération en génération, se sont transmis ces secrets. Et par conséquent, elles sont très appréciées puisque ce sont des femmes guérisseuses. Mais attention, ces femmes guérisseuses peuvent effectivement vous guérir. Alors là, si on est porté sur le secret, on dira qu'elles pratiquent de la magie blanche, mais elles peuvent également être accusées d'être responsables de certains maux qui frappent les hommes ou les bêtes du village. Et dans ce cas-là, c'est de la magie noire, c'est la sorcière. Et attention, quand les temps deviennent très très durs, eh bien souvent les sorcières finissent mal. Elles peuvent finir pendues à un arbre, à leur arbre. Peut-être qu'elles avaient leur cabinet médical juste en dessous de cet arbre, où elles peuvent finir plonger dans l'eau, ligoté à une planche. Donc attention, il vaut mieux être une bonne ménagère qui connaît les arbres, qui peuvent soulager sa famille, que de se lancer dans la professionnalisation sous forme de guérisseuse ou sous forme de sorcière. Le juste milieu, c'est toujours ce qu'il y a de plus sûr pour vivre très longtemps. Nous écoutons vos conseils. Alice Laforêt, vous retrouvez dans vos herbiers justement cette connaissance. Alors, populaire pour utiliser un mot très simple, en tout cas une vocation attribuée aux différentes plantes, mais au-delà du fantasme de la guérison absolue. Alors les herbiers de matière médicale puisent dans les savoirs de l'Antiquité, notamment chez Dioscoride, donc qui était un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ, à qui on doit un ouvrage qui a été traduit en latin sous le titre De Materia Medica et qui est l'une des grandes sources, l'une des grandes autorités antiques pour le savoir médical et pour tout ce qui relève de la pharmacopée végétale. Donc ces connaissances-là, effectivement, ce qui importe dans ces herbiers, dans ces ouvrages, c'est le poids de l'autorité. C'est pas forcément l'acte de prescrire de nouveaux remèdes. C'est plutôt de faire circuler des savoirs qui sont déjà présents dans la littérature médicale antique, donc chez les autorités. Et donc il est assez difficile d'estimer ce qui était réellement, employé par justement par les herboristes, par les guérisseurs de campagne, de ce qui relevait plutôt, enfin, de la transmission d'un savoir qui avait une valeur du fait de ces sources antiques. Cependant, les herbiers ont été quand même utilisés. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains herbiers qui relevaient plutôt de manuscrits assez luxueux, très richement enluminés, qui étaient possédés par des familles nobles. Donc, il y a par exemple un très bel herbier du début du XVe siècle qui est conservé à la British Library, qui appartenait à un seigneur de Padoue, Francesco Carrara. Donc là, il n'y avait pas une utilisation concrète. Mais certains herbiers portent la trace d'utilisation de notes marginales avec des recettes supplémentaires, des notes de lecture. Donc il y avait quand même parfois une utilisation. On retrouve dans certains inventaires d'herboristes la présence de certains titres comme le Livre des simples médecines, qui est l'un des grands titres donc pour la pharmacopée au Moyen Âge, donc qui est une traduction en français. Donc là encore, il y a quand même un besoin aussi de traduction en langue vernaculaire. Donc c'est une traduction, une adaptation d'un texte antérieur latin, le Tractatus de Herbis. Et ce livre des simples médecines, il est quand même très diffusé. On a conservé beaucoup de copies, elles sont pas toutes enluminées. Il y a des copies aussi plus modestes. Donc il y a quand même une circulation de ces savoirs. Il faut toujours être très prudent sur quelle en était l'utilisation réelle. Mais pour autant, on a quand même des traces d'utilisation. Et ce que disait aussi André Corvol, c'est qu'effectivement, l'imprimerie va quand même faciliter après la diffusion de ces savoirs. Elle ne change pas tout de suite les choses en termes du contenu. Enfin, il n'y a pas une grosse rupture avec l'imprimerie où tout d'un coup, on aurait une connaissance. Quand Gutenberg invente l'imprimerie au XVe siècle, c'est sûr qu'il y a toute une période où les ouvrages ne se diffusent pas. Il faut attendre, comme vous le disiez, André Corvol, le XVIe siècle, pour que, ça y est, il commence à y avoir des petites publications. Il y a le problème du format également des ouvrages. Et puis surtout, dans le cas de l'étude de plantes, tout dépend de la qualité des illustrations. Alors, c'est vrai que parfois, les illustrations correspondent pas vraiment à la réalité de la plante, car il y a un aspect ornemental. Et donc, la plante est modifiée par ses ornements, si bien qu'on ne la reconnaîtrait pas dans la nature. Mais c'est vrai qu'il s'agit quand même, il faut bien réaliser le prix de ces ouvrages, même lorsque le tarif a baissé en raison du volume de la production. Ça reste inaccessible au milieu des villageois. Ils ont même pas l'idée que ce genre de choses puisse exister. Donc il y a vraiment d'un côté une envie de connaître la nature au travers de ces herbiers dans une élite qui peut s'offrir ce type d'ouvrage et des ouvrages qui sont parfois magnifiquement illustrés, dont les illustrations d'ailleurs peuvent se retrouver dans des livres saints, etc. On est émerveillé dans les enluminures de voir la précision concernant les plantes. Même chose lorsqu'on regarde les tapisseries mille fleurs, la précision concernant ces plantes. Et puis d'autre part, un savoir, je dirais, local qui est fondé sur l'observation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. On est quand même beaucoup plus humble en la matière. Mais un savoir très solide, hein, très beau, qui se transmet également d'une autre manière, avec cette idée, sans doute dans tous les cas, que certains arbres peuvent être protecteurs. C'est ce que nous explique la sublime chanteuse Cora Vauquer. L'arbre Cora Vauquer, qui est là, la lettre A, il est là pourquoi ? Parce qu'il incarne quelque chose de particulier pour vous, la solidité, Oui, je disais quelquefois à mon mari, tu es mon arbre. Et après, je me suis aperçue que c'était moi qui étais son arbre. Mais enfin, si on me demande un arbre, quelquefois, on me pose des questions comme ça, des portraits. Je voudrais être un figuier, un grand arbre avec beaucoup de feuilles, de grandes feuilles qui mettent à l'abri, comme ça, qui protègent, avec des grosses racines, des grandes racines qui sortent comme un baobab ou quelque chose comme ça. Mmh. Un arbre protecteur, un arbre généreux, avec des fruits, avec des grandes feuilles. Mais j'aime pas qu'on coupe des arbres. Mon amant me délaisse au guet, vive la rose. Mon amant me délaisse au guet, vive la rose. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas. C'est Cora Vauquer, Vive la Rose et le Lilas. Elle s'exprimait sur France Culture en 1997. Charles Vieux, vous êtes archiviste, paléographe. Vous enseignez à l'université de Poitiers. Et dans votre travail, notamment autour de la forêt de Talmont, parce que ça ne se limite pas à cela, nous avons entendu comment nos ancêtres du Moyen-Âge pouvaient réfléchir à la forêt avec différentes voies de transmission, de circulation des savoirs. Mais comment l'historien, l'historienne peut connaître une forêt ? Au-delà des herbiers, de quelles sources dispose-t-on ? Alors, de tout un éventail de sources en réalité, des sources les plus classiques, entre guillemets, de l'historien du Moyen-Âge d'abord, documents de la pratique, chartes dont il était question tout à l'heure, qui concernent la vie économique en fait, le droit à la vie économique de différentes manières en fait, et depuis des époques assez anciennes. Ensuite, toujours dans le domaine des sources écrites, la forêt fait l'objet d'une exploitation économique de différentes manières, pour ses matériaux de construction et également pour la chasse, on en parlait également tout à l'heure. Là aussi, ça donne lieu à la production de documents écrits, inégalement conservés, inégalement étudiés aussi, on pourra y revenir. Alors, un apport des 20 à 30 dernières années, en tout cas en ce qui concerne la France, c'est l'apport des sources matérielles de l'histoire, à savoir de l'archéologie médiévale. Alors, comment l'archéologie peut-elle connaître les forêts ? Bien de différentes manières également. En général, on ne fouille pas une forêt. On atteint la forêt et la forêt s'invite elle-même dans le champ des recherches archéologiques lorsque l'on étudie certains sites. On parlait tout à l'heure du mobilier archéologique, des os, étudiés par nos chers collègues archéozoologues, et notamment les ossements d'animaux sauvages chassés, surtout liés au domaine seigneurial, mais qu'on peut également retrouver chez les moines, bien entendu, contrairement à ce qu'on aurait pu croire simplement à la lecture des textes. Toujours dans le champ de ces sources matérielles, les vestiges des végétaux eux-mêmes sont également présents, qu'il s'agisse des graines ou encore des pollens. Et c'est notamment à partir de l'étude de ces pollens, préservés dans les sédiments humides, que l'on peut, parfois à l'échelle régionale, effectivement, reconstituer l'évolution du couvert forestier. Et enfin, toujours en ce qui concerne ces végétaux, le bois lui-même, des charpentes anciennes, fait l'objet d'études archéologiques diverses, notamment parce qu'il fournit des datations extrêmement précises, mais aussi notamment pour identifier les fameuses essences dont on parlait tout à l'heure. Dans votre forêt de Talmont, alors, les essences qui dominent ? Alors ça, c'est très difficile à savoir, hein. C'est une question complexe. Alors, à laquelle il sera peut-être possible de répondre d'ici peu, étant donné qu'il y a eu récemment une fouille importante au niveau du port médiéval de Talmont, dirigé par Stéphane Augry, de l'INRAP en octobre dernier. D'ailleurs, il y avait une émission sur France Culture qui l'a concerné. Carbone 14. Exactement. Avec l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Tout à fait. Et les sédiments humides ont permis la conservation de bois. Donc il sera peut-être possible, dans les mois, les années qui viennent, de déterminer certaines essences. Mais c'est un travail, effectivement, qui est en cours. Dans la forêt lointaine, le Moyen-Âge nous fait coucou. Promener, promener, promener dans la forêt, toutou, promener, promener, promener dans la forêt. France Culture, promener, promener, le cours de l'histoire. Promener dans la forêt, toutou, promener, promener. Promener dans la forêt. Xavier Mauduit. Voilà, nous nous promenons dans la forêt. Aujourd'hui, André Corvol, quelles sont les essences qui dominent dans la forêt française ? Nous avons le chêne, arbre phare. Est-ce une réalité ? Absolument. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité et il fait partie des arbres nourriciers. Son fruit, c'est le gland. Il est très lourd à cause de la part en amidon. On pourrait faire la même réflexion à propos du fruit du frêne, les fênes. Ce sont des essences qui ne se disséminent pas naturellement. Elles tombent au pied de l'arbre. Donc, si on veut répandre le chêne, eh bien, le chasseur-cueilleur, le paysan, va transporter ses graines pour pouvoir créer un bouquet de chêne ou de frêne ou de hêtre plus loin. Donc l'homme contribue à l'extension de ses essences. Alors je parlais du chêne parce que c'est un grand bois de construction et le chêne a un avantage, c'est qu'il est bon à tout. Il est bon comme bois de construction, il est bon comme bois de chauffage. En plus, par les glandés, il permet la nourriture des porcs. Bref, le chêne, c'est comme le porc, comme le cochon, c'est tout est bon à l'intérieur. Alors, il y a des essences qui ont la même valeur que le chêne, en particulier l'excellente conservation du bois lorsqu'il est séché, c'est le châtaignier. Mais ce ne sont pas les seules essences. En fait, la forêt ancienne est une forêt qui repose essentiellement sur des essences feuillues qui rejettent de souches. Car lorsque les habitants créent des parcelles en culture, ils n'ont pas les moyens techniques de dessoucher. C'est très difficile de dessoucher. Il faut un attelage de chevaux, de bœufs. Donc en général, on laisse un certain nombre de gros bois, mais très espacés, de façon à permettre la pousse de l'herbe qui permet la nourriture du bétail. Ces essences feuillues qui rejettent de souches, elles nous sont familières. Lorsque vous posez la question aux gens, ils reconnaissent en général le chêne, le hêtre, le frêne, le bouleau. Mais il n'y a quasiment pas de résineux. Quasiment pas de résineux parce que les résineux, ils sont en montagne, que les montagnes sont très peu peuplées, je dirais même très peu explorées, très peu mises en valeur. L'arrivée des résineux en plaine, c'est dû à l'action des hommes qui traitent les résineux de montagne comme des exotiques et qui par conséquent les introduisent en plaine de façon au 19e siècle surtout à répondre à de nouveaux besoins, les bois d'industrie, les poteaux pour le télégraphe, le cuvelage pour les mines, et naturellement la production de pâte à papier. Donc cette forêt du Moyen-Âge est une forêt dont les essences sont très différentes de ce que nous voyons aujourd'hui, puisque c'est une forêt qui est exclusivement composée de feuillus, et de feuillus essentiellement qui rejettent de souches. Des feuillus connus pour leur utilité, c'est vrai que dès l'industrialisation, mais même auparavant, il était nécessaire de savoir à quel arbre nous avons affaire. Aujourd'hui encore, c'est vrai, on arrive à identifier un chêne, de moins en moins les autres arbres après. Et ça, c'est une connaissance qui devrait se transmettre. Absolument, parce que c'est passionnant. Et ça, c'est un héritage. Regardez, tout le monde aujourd'hui est capable de différencier un chêne d'un hêtre, par exemple. Et beaucoup de gens ne seraient pas capables de distinguer un sapin d'un Douglas. Et d'ailleurs, dans certaines régions, tout arbre vert est appelé sapin, même lorsqu'il s'agit d'un pin ou d'un tsuga. Donc vous voyez que notre connaissance est en quelque sorte calquée sur l'héritage paysan de nos ancêtres. Et l'étude que nous faisons de cette végétation, de ces arbres au Moyen-Âge, eh bien, prend appui sur ce que nous connaissons, sur le classement d'aujourd'hui. Alice Laforêt, nos ancêtres du Moyen-Âge, au moment de constituer les herbiers, se posaient peut-être d'autres questions, ce ne sont pas les mêmes dans les arbres. Est-ce que tout est arbre, ce que nous considérons aujourd'hui comme arbre, pouvait être considéré comme autre chose au Moyen-Âge ? Oui, c'est l'un des enjeux d'ailleurs de ces textes qui véhiculent des savoirs sur les plantes, que ce soit des herbiers médicaux ou des encyclopédies ou des textes agronomiques qui vont évoquer ce monde foisonnant du végétal. Il y a la question de qu'est-ce qui relève de quelle catégorie ? Et donc la question de ce qu'est un arbre, d'ailleurs, elle continue à interroger les botanistes. C'est une catégorie qui reste mouvante, qui a des contours qui peuvent évoluer. Alors bien sûr, on a quand même l'idée globalement de ce qu'est un arbre, un végétal ligneux, ramifié, de haute taille, qui est globalement la définition qu'en donnent les encyclopédistes médiévaux, qu'en donnent les compilateurs d'herbiers. Mais ces catégories, elles restent mouvantes. Et ce qui est intéressant aussi dans le savoir médiéval, c'est qu'on voit que, certes, les auteurs sont des compilateurs, ils compilent des sources antiques, des sources plus récentes qui proviennent aussi, enfin, des traductions des savoirs des textes arabes, mais ce ne sont pas que des compilateurs. Ils apportent quelque chose en réordonnant la matière botanique qui s'offre à eux. Et c'est justement voilà cette mise en ordre qui est passionnante dans les herbiers et dans les encyclopédies. Et on a des végétaux qui sont un peu à la lisière du monde des arbres, des arbrisseaux, des arbustes qui parfois rejoignent une catégorie ou l'autre. Et en filigrane, c'est en étudiant ces végétaux qu'on peut aussi vraiment s'interroger sur ce qu'est l'arbre pour les naturalistes médiévaux. Par exemple, le roseau, il va être décrit dans l'encyclopédie de Barthélemy Langlais, par exemple, qui est une grande encyclopédie du XIIIe siècle, comme moyen, enfin entre herbe et arbre, puisqu'il est plus dur que l'herbe, mais plus mou que l'arbre. Donc là, on a aussi une réflexion sur la morphologie, sur les critères morphologiques, et donc ce roseau, il est à la lisière de plusieurs mondes, et donc à travers lui, on accède un peu aux interrogations des naturalistes médiévaux sur les différentes catégories du monde végétal. Et parmi les arbres que nous avons cités aujourd'hui, il y en a un qui pour l'instant n'a pas été mentionné, c'est le noyer. Si vous nous avez dit que les sorcières pouvaient être noyées, mais ça n'a pas de rapport, le noyer aussi, très important. Si le tour est perfectionné, l'habileté manuelle est indispensable, et le ciseau à bois reste le seul outil employé, tenu d'une main ferme et sûre. Quand le travail est terminé, les meubles sont passés au brou de noix par un apprenti. Puis ils sont brossés. Dans Limousin Actualité en 1968, il est question du brou de noix. Charles Viau, nous pouvons imaginer dans une lecture simpliste une séparation entre le monde de la forêt sauvage et un monde civilisé. Nous entendons bien depuis que nous parlons depuis le début de l'émission que ce n'est pas du tout ça. En fait, il y a une porosité constante. L'économie s'appuie sur la forêt et la forêt est nécessaire sans cesse pour accueillir tant des troupeaux que des gens qui viennent exploiter. La notion, l'idée de séparation, en fait, n'a pas de valeur. Au contraire, peut-être que la lisière est l'endroit le plus actif. Alors effectivement, cette idée d'une forêt entièrement séparée et sauvage, elle est présente dans les représentations que les hommes du Moyen-Âge se font de la nature et de la forêt, dans la littérature notamment, où on représente une forêt sombre, sauvage et peuplée de personnages inquiétants. Alors que ça a longtemps été un cliché sur le Moyen-Âge, cette forêt sombre et sauvage. En réalité, effectivement, c'est une forêt peuplée, mais où tout de même la limite existe d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est également un milieu construit et un milieu délimité, par certains aspects délimité, notamment par le groupe dominant, par le groupe seigneurial, pour les besoins de sa chasse et pour ses besoins en forêt, en fait, qui diffèrent de ceux des communautés rurales. Alors, il y a un phénomène, notamment, qui a été très bien étudié par nos amis britanniques et irlandais, mais qui a peu été évalué sur le continent, c'est celui du parc de chasse, qui est une forêt différente des autres, si l'on peut dire, étant donné que la forêt médiévale peut être aussi bien un espace peu boisé, une lande, que ce qu'on entend aujourd'hui par forêt. Le parc de chasse, c'est un milieu entièrement construit et délimité, parfois délimité par des murs, de manière à installer une délimitation claire entre une forêt réservée, dédiée à une activité, et où l'on ne se prive pas de lâcher des animaux, et parfois des animaux de prestige, et même d'y introduire des animaux étrangers, comme le daim, qui n'est pas une espèce naturellement présente en Europe, et une forêt différente, une forêt peut-être moins riche en arbres, qui est celle, la forêt des paysans, en fait, la forêt exploitée, la forêt des charbonniers. Alors, s'il y a une limite, je dirais que ça n'est pas tellement entre la forêt sauvage et le monde des hommes, c'est plutôt entre, peut-être, la forêt seigneuriale et la forêt paysanne, si l'on peut dire, pour parler très simplement. Et puis les représentations aussi sont une de ces limites, parce que dans cette évocation de la forêt, il y a ce mot qui est apparu plusieurs fois, c'est lande. Qu'est-ce qu'une lande ? André Corvol, si nous nous promenons dans une lande au Moyen-Âge, nous sommes dans une forme de forêt, à quoi ça ressemble ? Eh bien écoutez, c'est une étendue qui peut être piquetée de quelques arbres, mais où dominent des formations arbustives basses, et par conséquent directement accessible aux troupeaux. D'ailleurs, dans toutes ces parties forestières les peuplements forestiers sont très clairs à l'époque. Et la hauteur des arbres est en gros fonction de la hauteur au garrot des animaux. C'est-à-dire que la dent du bétail fixe la taille de l'arbre, parce que une fois que la dent du bétail est passée, eh bien l'arbre va cesser de se développer. C'est aussi une pratique d'ailleurs qui est encouragée par les habitants. Ils prévoient de prendre du chauffage par les rejets de souches, mais également par les rejets de têtes des arbres. Donc étêter les arbres, et notamment en lisière, cela permet d'avoir un tronc qui est aux alentours de 1,5 fois la hauteur d'un homme, guère plus, et par conséquent de couper ces rejets de têtes de façon extrêmement facile. Donc l'homme et le bétail agissent pour fixer la hauteur des arbres, ce qui explique que les arbres que l'on utilise même pour des constructions de prestige sont des arbres qui ne sont pas de très grande portée. Donc tout l'effort doit être fait sur la manière dont on ajuste les pièces de bois les unes aux autres pour pouvoir compenser l'insuffisance de la longueur des troncs. L'idée que l'on doit obtenir des arbres extrêmement important par leur hauteur, c'est une idée qui, en gros, a 2,5 siècles, guère plus. Ce n'est pas du tout le cas du Moyen-Âge. Le résultat, ces arbres étant très éclairés, développent non seulement ce sont des nains obèses, je dirais, mais en plus ils ont une écorce extrêmement épaisse. Alors l'écorce aujourd'hui est considérée comme un déchet, à l'époque c'est extrêmement utile, car non seulement il y a des produits pharmaceutiques à tirer de l'épaule, de l'écorce, et encore plus du cambium où circulent les sèves juste en dessous de l'écorce, mais en plus c'est à partir de l'écorce que l'on obtient le tan, qui est un produit qui va servir de mordant pour l'industrie du cuir, extrêmement importante. Donc on a parlé des charbonniers, mais il faut parler de tous ceux qui s'occupent de récolter sur les arbres les écorces. Cela pour certaines écorces sont particulièrement valables, notamment les écorces de chêne. Et donc ça alimente directement les tanneries. Et puis il y a également les cendriers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la récolte des cendres après la mise à feu d'une étendue de lande pour pouvoir enrichir les terres, notamment en potasse. Eh bien, ces cendriers ramènent des sacs de cendres qui vont servir non seulement d'engrais, mais également à la fabrication des premiers savons. Donc il y a tout un ensemble d'ateliers et d'industries qui reposent sur l'exploitation de la forêt et des landes qui sont considérées comme zones forestières. Charles Viau. J'ajoute également que la potasse est également nécessaire au Moyen-Âge à une autre industrie ou proto-industrie qui est celle du verre, en fait. Oui, puisque la potasse sert de fondant obtenu à partir du brûlage des fougères, notamment, ou d'autres végétaux, de fondant pour le verre. Et en plus, pour faire du verre, il faut du feu, donc il faut du bois. Donc il faut du feu, oui. Voilà. Parce qu'il faut réussir à faire fondre la silice à 1200 degrés, et par conséquent, la consommation de bois est extrêmement importante pour cette industrie nouvelle qui est en plein essor, qui est la verrerie. Une forêt cultivée, en fait, où on leur ramasse des glands ou des pousses de chêne plutôt pour les remettre ailleurs, où absolument. On étête les chênes. Est-ce que, Alice Laforêt, dans tous les herbiers, il y a une mise en relation avec ses connaissances sur le moyen de bien entretenir une forêt, de bien conserver, de bien cultiver une forêt? Pas forcément alors ça dépend aussi de quel texte on parle sur les dans les herbiers médicinaux. On va plutôt se concentrer sur les propriétés médicales des plantes forestières, qui sont d'ailleurs réputées plus efficaces souvent. Enfin, la plante forestière a davantage de propriétés parfois que celle des jardins. Hein. C'est précisé dans l'encyclopédie de Barthélemy Langlais, par exemple. Il y a un petit passage sur le bois, enfin sur le saltus latin, qui est un espace un peu intermédiaire finalement entre le jardin cultivé et la forêt profonde. Et il dit que les arbres qui poussent et les arbres et les plantes qui poussent dans le bois sont ne portent pas de fruits bons à manger. Donc c'est d'ailleurs intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de la forêt est quand même nourricière. Mais là, il fait cette distinction-là. Donc les arbres des jardins portent des fruits bons à manger. En revanche, les arbres de la forêt ne portent pas de fruits bons à manger, mais sont médicinaux. Mais on n'a pas forcément beaucoup d'indications sur cette culture de la forêt. La forêt est quand même dépeinte comme un endroit qui peut être un peu inquiétant. On a des plantes médicinales, on peut y herboriser, mais c'est aussi il y a aussi des plantes un peu inquiétantes comme c'est aussi donc cet endroit qui est peuplé de plantes épineuses. Les ronces sont une essence forestière qui est décrite dans les herbiers médicinaux comme dans les herbiers, comme dans les textes encyclopédiques plus généralistes, où la ronce sauvage fait un peu le pendant du mûrier cultivé. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas du tout des espèces qui relèvent de la même famille, mais dans les textes médiévaux, on les compare, elles font couple. Donc le mûrier cultivé donne des fruits bons à manger. En revanche, la ronce a des épines et abrite des serpents, donc elle peut être dangereuse pour les bergers qui vont faire pâturer dans les forêts. Mais elle peut quand même nourrir le berger en cas de lors de ces incursions forestières, et elle a quand même des propriétés médicinales. Donc tout n'est jamais complètement univoque, les végétaux sont ambivalents, et donc on a ce couple domestique sauvage qui apparaît dans les textes qui est assez intéressant. Merci de nous rassurer, hein, de nous préciser que la forêt inquiétante existe quand même. André Corvol, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez été élue à l'Académie d'agriculture de France et vous avez publié L'arbre en Occident, les héritage, c'est chez Fayard. Et vous offrez les premières pages à ce livre collectif sous la direction de Sylvie Bépois et Hervé Richard, La forêt au Moyen-Âge, aux belles lettres. Elle existe un petit peu, cette forêt de contes de fées, malgré tout, cette forêt profonde, celle qui fait que quand Blanche-Neige court, elle se fait arracher une partie de ses vêtements par les ronces. Oui, d'ailleurs, dans l'imaginaire, la forêt est perpétuellement en mouvement, ce qui correspond quand même à une réalité, puisque en période de crise démographique, il y a dilatation de la forêt, et en période au contraire d'abondance démographique, la forêt diminue sous l'effet des défrichements. Tout à l'heure, on a beaucoup insisté sur le fait que la forêt était claire, mais il y a des zones où la forêt n'est pas claire. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des zones qui sont mises en réserve, soit des réserves de gros bois, soit des réserves pour la reproduction du gibier. Dans ces forêts, l'introduction des troupeaux et des ateliers de transformation du bois sont interdits. Donc, il y a tout un fantasme qui s'est développé sur ces zones interdites, qui est à la base même des contes, où l'on parle de châteaux noirs, de mers noires, qui correspondent donc à ces zones de forêt que les habitants n'ont pas, où en principe ils n'ont pas le droit d'aller, et que par conséquent, s'ils n'ont pas le droit d'y aller, ils l'imaginent forcément comme profonde, puisque ce sont des zones interdites. C'est à la base même des contes que d'avoir que l'importance géographique de ces zones où l'accès est sinon totalement fermé, tout au moins filtré, pour permettre soit l'obtention du gros bois, soit l'obtention du gibier qui servira à repeupler la forêt, car les seigneurs, comme tout à l'heure nous l'avons dit, chassant beaucoup, il faut, je dirais, réapprovisionner la forêt en espèces chassables. Et puis, il faut le rappeler aussi, en parlant du Moyen-Âge, nous évoquons un millénaire. Donc merci vivement à tous les trois d'avoir offert cette évocation de ce qu'est la forêt dans ses représentations, dans ce que nous en connaissons par la démarche des historiens, des historiennes, et puis comment surtout nos ancêtres du Moyen-Âge pouvaient appréhender cet espace merveilleux, donc parfois inquiétant et toujours sublime quand même, la forêt. Merci beaucoup à tous les trois. Il est temps maintenant de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi ne parle-t-on plus du péril jaune ? En janvier 2020, lorsqu'a débuté la pandémie de la Covid-19, le Courrier Picard a publié un éditorial intitulé « Le péril jaune » avec un point d'interrogation. Les protestations des représentants de la communauté asiatique ont contraint le journal à présenter des excuses. Consciemment ou non, en utilisant l'expression « péril jaune », l'auteur de cet article avait réactivé un stéréotype qui était omniprésent dans le discours public au début du XXe siècle. L'expression « péril jaune » s'imposa en France en 1895 après la publication dans le Monde illustré d'un dessin allégorique allemand intitulé « Die gelbe Gefahr ». La formule condensait les discours apocalyptiques annonçant que les peuples asiatiques finiraient par dominer les Blancs pour gouverner le monde. C'est l'une des variantes du topo sur le grand remplacement qu'alimente aujourd'hui des politiciens de droite et surtout d'extrême droite. Au départ, le stéréotype s'est focalisé sur les Chinois, en raison des conflits qui opposaient les Européens à la Chine. Le péril jaune fut aussi alimenté par une partie de l'extrême gauche, dénonçant l'émigration massive des coolies, ces travailleurs chinois accusés de concurrencer les nationaux sur le marché de l'emploi. C'est pour remédier à ce danger que l'écrivain anarchiste Charles Malato proposa qu'on dévie la race chinoise vers l'Afrique. Ce sont ses termes. Miracle que le capitalisme a fini par convertir en réalité, sauf que ce ne sont pas des coolies, mais des chefs d'entreprise qui se sont installés en Afrique. Après des arguments politiques et économiques, c'est le risque démographique qui fut mobilisé pour dénoncer le péril jaune. Émile Faguet, un éminent professeur de la Sorbonne, qui tenait une rubrique régulière dans un grand quotidien de l'époque, fit part de son inquiétude dans une chronique publiée le 25 juillet 1895. Étant donné que les races inférieures, ce sont ces mots, sont prolifiques, l'explosion démographique qui se produit en Afrique et en Chine va provoquer une marée qui submergera la race blanche. Et il conclut que lorsque l'Europe sera devenue jaune, il y aura une régression qui aboutira à un nouveau Moyen-Âge. À partir de 1904, les Chinois furent remplacés par les Japonais pour alimenter les récits sur le péril jaune. La guerre entre la Russie et le Japon venant tout juste d'éclater, un journaliste du Petit Parisien n'hésita pas à prédire que le succès des soldats du Mikado ferait inévitablement éclater ce qu'on a appelé le péril jaune. La Russie représente pour nous non seulement la race blanche en lutte avec la race jaune, mais l'âme même de la civilisation combattant l'esprit de barbarie. Fabriqué par la grande presse, ce stéréotype fut ensuite exploité par des écrivains. En 1908, Émile Drian entama la publication d'une trilogie à succès intitulée « L'invasion jaune ». Il imagina qu'un général japonais allié à la Chine et financé par des juifs américains envahissait l'Europe continentale par la Russie alors que le Royaume-Uni restait neutre. Les discours sur le péril jaune se sont estompés par la suite en Europe. Dans le même temps, la désignation des races par référence à la couleur de peau a subi une étrange évolution, car le jaune a disparu au profit de l'asiatique et le nègre est devenu noir. Très clair. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.